Piano du bitume de DJ Joke, Tony Donzo. Boum, patatras. J'débarque, à peine j'ai pris le mic et c'est parti. Arc en style première, sans pocket arrière dans un parking. Avant qu'un con kill, je vois autre chose que ce bête. Ils bougent leur tête quand je conçois son balance un ouais. Je m'en ramène dans l'arène sans règle, je vais les laisser red. Que l'arrêt qui tape sec, que la mélodie soit red. Vroom vroom, j'ai quelques tours de piste, tu m'arrêtes plus. Tu fatigues, prends une red bull, t'as trop chaud, ben ton bleu pull. J'pars en brise sur son, fais le tour de mes petites amplitudes. J'ai tout fait contraste comme un perno sur le bitume. J'ai l'habitude des grosses pitures de parler cash. J'te dis tout de suite, j'ai pas tant à perdre dans des vieux clashs. C'est clair, au fond de ta classe avec les gangs, j'ai fait ma vie. DJ Joke, Tony Donzo, faut que c'est clair tout dans ta vie. Termine mon couplet d'une parabole à pas d'étincelle. Ramène-moi un son et il repartira dans un linceul. J'imagine ton micro comme un pendu au bout de sa corde. J'vais tous les mettre à corps, fonce comme une bête à corde. À dark comme dans la vie, comme les voleurs et les volages. DJ Joke, Tony Donzo, pareil pour le décollage. J'imagine ton micro comme un pendu au bout de sa corde. J'vais tous les mettre à corps, fonce comme une bête à corde. À dark comme dans la vie, comme les voleurs et les volages. DJ Joke, Tony Donzo, pareil pour le décollage. J'me décale depuis l'école, j'suis pas en canne, j'suis pas les codes. J'ai pas de code, faut que tu décodes. Tony Donzo, croûte sur un dans les côtes. Toujours dispo pour les potes, les bons et les patries. C'est parti, j'rapatrie tous les enfants de la patrie. S'il te plaît, laisse-moi faire ma vie, laisse-moi faire mon truc. Si tu veux pas que ça dégénère, ça devienne à Turquie. J'suis pas Kurt Cobain, j'ai la mentale, j'suis trop en retard. Quant au trait, j'ai toujours un mot pour eux quand j'cantard. J'rends pas qui coupe, sans soeur et la rage qui m'habite. J'en ai un à balle, si c'est qui habille, qui m'habille. Armé de silo à pile, j'en mets deux, trois à la menthe. Sont alarmés, pas plus corrosif qu'une pastille à la menthe. Moi je fais le con dans la vie, chez mon chapa. Au micro, je pars en chasse, passe un son chez mon chapal. Enfin je fais les choses, j'ai bougé mon cul, ma chaise. Quand je prends le mic, faut que je tranche comme des coups de machette. J'imagine ton micro comme un pendu au bout de sa corde. J'vais tous les mettre à corps, fonce comme une bête à corde. À dark comme dans la vie, comme les voleurs et les volages. DJ Top, Tony Donzo, pareil pour le décollage. J'imagine ton micro comme un pendu au bout de sa corde. J'vais tous les mettre à corps, fonce comme une bête à corde. À dark comme dans la vie, comme les voleurs et les volages. DJ Top, Tony Donzo, pareil pour le décollage. Je me pose les potes, lève les mains, les pontes, foire et le beat, main tes mains de fois, les sportifs font des pompes. Un croix en compote, ils flippent de comment je me comporte. Je colporte mon blaze et le flow d'âme qui t'emporte. Mais qu'est-ce qu'ils veulent que je monte mon cul, que je fasse le gogol. Le mot d'or, t'as DJ Top, Tony Donzo sur Google. Allez vite, vite, faut que j'avance comme ce son. Faut que je sois dur comme ce son, sans partir en couille comme l'autre soir. Me cherche pas d'histoire, man, j'suis trop impulsif. Prends pas le show avec ton posi, respire, j'suis pas trop à la cible. Appelle-moi pile, alcaline, mélodie, j'alcaline. Qui sert comme un cul qui bande en sortant. Comme un coup bas libré, à la tête j'te montais. Si mon son marche pas, j'braquerai sans faille de sa beauté. L'instru j'aime la plotter, si en plus les gens applaudissent. La vie de ma mère, j'vais faire plus que ça comme un autiste. J'imagine ton micro comme un pendu au bout de sa corde. J'vais tous les mettre à corps, j'fonce comme une bête à corde. À dark comme dans la vie, comme les voleurs et les volages. DJ Top, Tony Donzo, pareil pour le décollage. J'imagine ton micro comme un pendu au bout de sa corde. J'vais tous les mettre à corps, j'fonce comme une bête à corde. À dark comme dans la vie, comme les voleurs et les volages. DJ Top, Tony Donzo, pareil pour le décollage. DJ Joke, Tony Donzo, pareil pour le décollage. T'as comme, t'es baisé, t'as pas le coup de date. Boom, patatrac.